avant la famille Tutsi allait voir la famille Hutu. Y avait pas le moindre souci, ils se faisaient des poutous. Ils se tenaient par la main, évoquaient des lendemains, parlaient du prix du manioc, prêtaient volontiers leur coq. Mais le monsieur qui vend des canons est venu leur dire non de non. Plus question de vous aimer. Ensuite il a affirmé aux Tutsis que les Hutus se prennent pour les Manitous, et aux Hutus que les Tutsis ne rêvent que de les voir oxy. Moi je vous vends la guerre, vous n'avez plus qu'à la faire. Une Kalachnikov ou un missile rendent les femmes des ennemis dociles. D'autant que ça n'est pas leurs époux morts qui pourront vous causer le moindre tort. Quand le tonton de Serbie allait chez le tonton Kosovo, ils échangeaient leurs brebis, ils se vendaient des petits veaux. Et leurs enfants s'aimaient bien, ils se tenaient par la main, ils se baignaient dans le Danube, écoutaient les mêmes tubes. Mais le monsieur qui vend des canons a dit c'est fini, nom de nom. Plus question de vous aimer. Ensuite il a affirmé aux Serbes qu'un Kosovar ça vaut pas un pet de canard. Il y a un slogan qu'on applique, purification ethnique. Moi je vous vends la guerre, vous n'avez plus qu'à la faire. Avec le Coran ou l'Évangile on obtient de jolies guerres civiles. Vous pouvez mettre à sac les maisons sans pour autant risquer la prison. Quand le grand-père irakien et le grand-père iranien troquaient leurs tapis anciens, le pétrole ne valait rien. De Téhéran à l'Euphrate, on se partageait les dattes. Contre un sac de haricots, on louait son bourricot. Mais le monsieur qui vend les canons a dit battez-vous car sinon mes blindés, mes bazookas vont me rester sur les bras. Irakien, il est grand temps d'annexer le Khouzestan. Et toi l'Iranien, j'espère que tu ne vas pas te laisser faire. Moi, je vous vends la guerre, vous n'avez plus qu'à la faire. Vous aurez des femmes en ribambelle, et bien entendu même les pucelles, qui dans vos bras se retrouveront nues, n'iront sûrement pas se plaindre à l'ONU. Revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, t'es gardé dans mon cœur. je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur. Ils ont troqué leur col marron contre un joli costume trois pièces. Ils ont troqué leurs idéaux contre un petit attaché caisse. Citoyen de Paris, ma ville, la plage est loin sous les pavés. Vivez en paix, dormez tranquille, le monde n'est plus à changer. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, le poil au menton. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, les voilà vieux cons. Ils ont troqué leur col marron pour une tenue plus libérale. Le vieux slogan du père Guizot est devenu leur idéal. Nos 68 arts en colère reprennent un refrain un peu banal. C'est enrichissez-vous, mes frères, en guise d'international. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, le poil au menton. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, les voilà vieux cons. Ils ont troqué leur col marron et leur vieux look égalitaire pour un costume plus rigolo. C'est la chasuble humanitaire. Ils font la quête avec délice chez ceux qui n'ont plus rien à donner. Et pour établir la justice, s'en remettre à la charité. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, le poil au menton. Ce n'était alors que jeunes imbéciles, et les voilà vieux cons. Ils ont troqué leur col marron pour des tenues plus officielles. Depuis qu'ils fréquentent à gogo les cabinets ministériels. Ah, quel plaisir en redingote sur le perron de l'Élysée, de se faire lécher les bottes par des journalistes avisés. C'est toujours avec les jeunes imbéciles, qu'on le veuille ou non. C'est toujours avec les jeunes imbéciles qu'on fait les vieux cons. Oh, et si j'étais riche, si j'étais riche, da da moi, hey, adieu la charrette, digue tous les jours j'ai digue riche, da moi, je m'habillerai

aller chez moi. Hey, adieu la charrette. Dieu qui fit le ciel et les étoiles, est-ce que ça t'aurait donné du mal de changer ton plan phénoménal et me faire riche? Arrive d'Angleterre au train de 4h30, passer 8 jours et se distraire, c'est bon parfois l'air du pays. Paraît que là-bas il y a des brumes, alors nous on a mis des fleurs, ça fait joli et ça parfume, et puis ça rend de bonne humeur. Papa a mis son beau costume, maman ressemble à une mariée. Moi, peu à peu, je m'accoutume à mon faux col et mes souliers. Mon frère est plus doué que moi pour suivre des études. Il faut des aptitudes, des dons que je n'ai pas. Mon frère d'Angleterre. Il faut le voir parler à table. Nous on se tait, c'est plus normal. Ce qui se passe dans une étable, ça n'est pas très original. Original, c'est la manière qu'il a de regarder Suzy. Suzy a tout l'air de lui plaire, et c'est ça qui me réjouit. Je me faisais un peu de bile, j'avais peur qu'il ne veuille pas de Suzy dans notre famille. On doit s'épouser dans 3 mois. Mon frère, il a de l'instruction et de l'éducation, c'est quelqu'un de très bien. Et puis, je l'aime bien. Mon frère d'Angleterre. Comme c'est court une semaine, chacun le dit à la maison. Moi ça me fait beaucoup de peine, mais j'ai trouvé le temps trop long. Depuis le jour où la luzerne s'est couchée en dessous Suzy, le pire c'était que sur la luzerne, mon frère était couché aussi. Ils n'ont rien su, et puis quoi dire? En Angleterre, c'est loin là-bas. Mon frère part, il doit s'instruire. Suzy aura besoin de moi. Mon frère retourne en Angleterre, et moi je reste ici sur ma bonne vieille terre. avec Suzy on parlera de toi, mon frère d'Angleterre. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Que se passe-t-il? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais dans une rue au milieu de la cohue sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruit. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais sous le joyeux soleil de mer. Chemin faisant, j'imaginais un mot gentil pour l'aborder. Et puis voici que dans le ciel bleu de midi, de plus en plus fort j'entendis, comme arrivant de l'infini, ce drôle de bruit. ce drôle de bruit. Je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher et d'un air étonné, tout le monde a levé le nez vers le ciel angélique, couleur de paradis, d'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini. C'était étrange. Est-ce qu'il allait neiger des anges? Les gens guettaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant. Et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler. S'est-il passé? Je n'y comprends rien. Il y avait une ville, et y a plus rien, y a plus rien qu'un désert de gravats, de poussière, qu'un silence à hurler à la place où il y avait une ville qui battait comme un cœur prodigieux, une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mer. Mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve. Réveillez-moi, réveillez-moi. tapé sur la tête. Je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. Qu'est-ce que j'étais déjà ? Travailleur, immigré, philosophe, résistant caché, dissident notoire, ou bien animal à fourrure. Je m'appelais comment déjà ? José Abdel Argentino, Arabica Yann Patochka, ou bien alors bébé phoque. Ils m'ont tapé sur la tête, je ne me rappelle plus pourquoi, ni même si ça m'a fait mal, parce que j'en suis mort. M'a-t-on assommé pour mes idées, ou pour faire de moi un manteau, pour de l'argent ou la couleur de ma peau? J'ai un bout d'os dans la mémoire. Quand leurs pieds chaussés m'ont cerné, étais-je allongé dans des draps, ou bien couché sur la banquise, ou est-ce que je sortais d'un café? Je suis mort dans la rue de l'Ouest, sur la glace du Nord, ou chez les flics de l'Est, ou dans la pampa des casquettes, à coups de trique noir. Est-ce que je rêve de vengeance, de tête policière éclatée, de tête de chasseur sanglante, de tête de raciste empurée? Ou bien est-ce que je vois des têtes émerveillées d'elles-mêmes, émerveillées de leurs dedans, et se découvrent en nouveau monde? Je suis mort, répondez pour moi. Je m'appelais Yann Patochka argentin, et bébé phoque arabe. Maintenant, ça me revient. Расцветали яблони, груши, поплыли. Песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед. Par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il y n'y avait qu'un dimanche par semaine. Les autres jours, c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère. C'était pas non plus le paradis. Et ouais, tant pis. Dans son vieux par-dessus râpé, il a pris pendant des années le même autobus de banlieue. Mon vieux, le soir en rentrant du boulot, il s'asseyait sans dire un mot. Il était du genre silencieux. Mon vieux, les dimanches étaient monotones. On ne recevait jamais personne. Ça ne le rendait pas malheureux, je crois, mon vieux. Dans son vieux par-dessus râpé, les jours de paye quand il rentrait, on l'entendait gueuler un peu. Mon vieux, nous on connaissait la chanson. Tout y passait, bourgeois, patron, la gauche, la droite, même le bon Dieu, avec mon vieux. Chez nous, y avait pas la télé, c'est dehors que j'allais chercher. Pendant quelques heures, l'évasion. Je sais, c'est con. Dire que j'ai passé des années à côté de lui sans le regarder. On a à peine ouvert les yeux, nous deux. J'aurais pu, c'était pas malin, faire avec lui un bout de chemin. Ça l'aurait peut-être rendu heureux, mon vieux. Mais quand on a juste 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour y loger toutes ces choses-là. Tu vois, maintenant qu'il est loin d'ici, en pensant à tout ça, je me dis, j'aimerais bien qu'il soit près de moi. Papa. Il était à Teruel et à Guadalajara. Madrid aussi le vit au fond du Guadarrama. Qui a gagné, qui a perdu, nul ne le sait, nul ne l'a su. Qui s'en souvient encore? Faudrait le demander aux morts. J'étais pas gros, je vous le dis, les yeux encore ensommeillés. Mon père sur une chaise assis, les pieds, les mains attachés. et j'avais peur et j'avais froid. Un homme m'a dit calme-toi. Un homme qui était différent, sans armes, il portait des gants, une cravache qui lui donnait un air. Un peu de sang coulait sur la joue de mon père. Et j'avais peur et j'avais froid, l'homme m'a dit écoute-moi. Je vais te poser une question, la vie de ton père en répond. Dis-moi quelle est la capitale, voyons, de l'Australie australe. Je ne risquais pas de me tromper, on ne m'avait jamais parlé des grandes villes qui ont des noms si fiers. Une larme coulait sur la joue de mon père. Et j'avais peur et j'avais froid, j'ai dû pleurer aussi, je crois. Mais l'homme a eu comme un sourire et puis je l'ai entendu dire. C'est un brave homme, coupez ses liens, ton enfant tu l'éduques bien. Car tu as le sens du devoir, chacun son dû et son savoir. Ils sont partis au petit matin clair. J'ai couru me blottir dans les bras de mon père. Il m'a serré fort contre lui, j'ai honte, tu sais mon petit. Je me demandais cette guerre, pour quelle raison j'irais la faire. Mais maintenant je puis le dire, pour que tu saches lire et écrire. J'aurais voulu le retenir, alors mon père m'a dû mourir. Pour des idées, ça n'est qu'un accident. Je sais lire et écrire, et mon père est vivant. Il était à Teruel et à Guadalajara, Madrid aussi le vit au fond du Guadarrama. C'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les hommes, les mineurs de fond, nos fenêtres donnaient sur des fenêtres semblables, et la pluie mouillait mon cartable. Mais mon père en rentrant avait les yeux si bleus que je croyais voir le ciel bleu. J'apprenais mes leçons, la joue contre son bras, je crois qu'il était fier de moi. Il était généreux comme ceux du pays, et je lui dois ce que je suis. C'était les corons, la terre, c'était le charbon, le ciel, c'était l'horizon, les hommes, des mineurs de fond. Et c'était mon enfance, et elle était heureuse dans la buée des lessiveuses. Et j'avais les terrils à défaut de montagne, d'en haut je voyais la campagne. Mon père était gueule noire comme l'étaient ses parents, ma mère avait des cheveux blancs. Ils étaient de la fosse comme on est d'un pays, grâce à eux je sais qui je suis. Oh, c'était l'horizon. Les âmes des mineurs font. Il y avait à la mairie, le jour de la kermesse, une photo de Jean Jaurès. Et chaque verre de vin était un diamant rose posé sur fond de silicose. Il parlait de 36 et des coups de grisou, des accidents du fond du trou. Ils aimaient leur métier comme on aime un pays. C'est avec eux que j'ai compris. Au nord, c'était les des mineurs de fond. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, des mineurs de fond. Des pétroliers super qui foutent le deuil sur l'onde avec des hommes d'équipage. On s'en va au bout du monde. Avant il en fallait 30, c'était pas rentable. On voit la fin au chômage, les prix seront plus supportables. Mais de tous ces matelots, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces matelots, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, tralalalalère. On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires. Assez travailler pour soi, la petite exploitation maintient l'Europe en retard, hors de la compétition. Il y a trop d'agriculteurs, c'est pas raisonnable. Quelques millions au chômage, l'Europe verte sera viable. Mais de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, tralalalalère. On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires. Et toi, petit commerçant, tu mourras de la TVA. Mais si on aide ces gens-là, la bombe, comment on la fera? Le petit commerce doit mourir, il est pas rentable. Va-t'en au supermarché, les prix seront plus abordables. Mais de tous ces commerçants, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces commerçants, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, tralalalalère. On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires. À Nantes, à Rennes ou à Brest, licencie les entreprises. Aux ouvriers qualifiés, on dit c'est la crise. Faudra t'y faire ses valises pour les pays de misère, où le patron délocalise pour enrichir ses actionnaires. Mais de ces disqualifiés, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de ces disqualifiés, qu'est-ce qu'on va en faire? Puisqu'on vire les fonctionnaires, tralalalalère, sur les rôles du Pôle emploi, il y aura toujours trop de prolétaires. S'il y a trop de chômeurs, il y aura du désordre. Il faudra des uniformes pour maintenir l'ordre. Hitler le disait déjà, un chômeur c'est pas rentable, un soldat ça coûte moins cher et c'est bien plus raisonnable. Mais de tous ces engagés, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces engagés, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, tra-la-la-la-l'air, taper sur les ouvriers, taper sur leurs frères. Ils s'en iront à la ville, tra-la-la-la-l'air, taper sur les ouvriers, taper sur leurs frères. Y'en a qui disent que les Français vivent d'amour et de vin frais, et que toutes les filles d'ici habitent au casino de Paris. Y'en a qui pensent que le champagne sort des gargouilles de Notre-Dame, et qu'entre deux Alka-Seltzer on se balade la culotte en l'air. À les entendre, on croirait bien qu'on est pinté tous les matins. Si les Français se plaignent parfois, c'est pas de la gueule de bois. C'est en France qu'il y a Paris, mais la France est aussi un pays où il y a quand même pas 50 millions d'abrutis. Il y en a qui pensent que notre musique balance comme une bière de Munich, que toutes nos danseuses ont la classe, mais swing à côté de leur godasse. Y'en a qui disent qu'il y a sûrement 2-3 cafés par habitant, que nos rythmiques sont des fanfares, nos succès des chansons à boire. À les entendre, on croirait bien qu'en France il n'y a pas de musiciens. Mais voilà, j'habite en France, et la France, c'est pas tout ce qu'on dit. Si les Français se plaignent parfois, c'est pas de la gueule de bois. C'est en France qu'il y a Paris, mais la France est aussi un pays où il y a quand même pas 50 millions d'abrutis. Il y en a qui pensent, et c'est certain, que les Français se défendent bien. Toutes les femmes sont là pour le dire, on les fait mourir de plaisir à les entendre. On croirait bien qu'il y a que les Français qui font ça bien. C'est pourquoi j'habite en France, et la France c'est beaucoup mieux que ce qu'on dit. Si elle rêve d'habiter chez moi, c'est qu'il y a de quoi. C'est pourquoi j'habite en France, et la France c'est beaucoup mieux que ce qu'on dit. Si elle rêve d'habiter chez moi, c'est qu'il y a de quoi. C'est pourquoi. Mes souliers ont beaucoup voyagé, ils m'ont porté de l'école à la guerre. J'ai traversé sur mes souliers ferrés le monde et sa misère. Moi, mes souliers ont passé dans les prés, moi, mes souliers ont piétiné la lune, puis mes souliers chez les fées et fait danser plus d'une. Sur mes souliers, y a de l'eau, des rochers, la boue des champs et des pleurs de femmes. J'peux dire qu'ils ont respecté le curé, paye le bon Dieu et l'âme. S'ils ont marché pour trouver le débouché, s'ils ont traîné de village en village, suis pas rendu plus loin qu'à mon lever, mais devenu plus sage. tous les souliers qui bougent dans les cités, souliers de gueux et souliers de reine. Un jour ces sœurs ont usé les planchers, peut-être cette semaine. Non, mes souliers n'ont pas foulé Athènes, moi mes souliers ont préféré les plaines. Quand mes souliers iront dans les musées, ce sera pour s'y accrocher. Au paradis, paraît-il, mes amis, c'est pas la place pour les souliers vernis. Dépêchez-vous de salir vos souliers si vous voulez être pardonné. Si vous voulez être pardonné. On ne saura jamais si c'est en plein jour ou si c'est la nuit que naquit dans l'île Saint-Louis. On ne le saura jamais. L'ange ou bien le démon qui n'a pas de nom et que l'on appelle aujourd'hui l'air de Paris. On ne le saura jamais. Peut-être est-il venu au coin d'une rue comme un enfant perdu, l'air de Paris. Où là-haut dans le ciel, passant d'un coup d'aile, est-il descendu jusqu'à nous, l'air de Paris. Toi tu es arrivé 2000 ans après, moi je t'ai trouvé simplement, sans te chercher. Devant un café crème dans le matin blême, je t'ai dit je t'aime, souviens-toi, nous étions là. Deux ombres que la vie avait réunies en plein cœur de Paris, tout endormi. On s'est aimé d'amour et depuis ce jour, tout notre passé s'est changé en avenir. On ne saura jamais si c'est en plein jour ou si c'est la nuit que naquit l'air de Paris. On ne saura jamais si le même jour l'amour vit le jour avec lui dans l'île Saint-Louis. On ne saura jamais si l'air de Paris porte en lui tout l'amour du monde entier. Puisqu'il nous l'a donné, à quoi bon chercher, à quoi bon savoir ce que l'on ne saura jamais. Avant d'acheter ma carte vermeille pour faire des voyages au soleil ou entrer dans ma tour d'ivoire pour enfin jouir de mes avoirs, avant que ma tête soit ramollie, avant que mon corps ait trop vieilli, avant que les vers me ponctionnent, je voudrais qu'on éclaire ma route, que l'on m'explique une fois pour toutes comment l'état ça fonctionne. Ce gros machin mystérieux qui fait que les gens sont pas heureux. Je dis avant que ma voix ne se perde, l'état, c'est l'état de merde. Dire que l'état eschatologique, c'est pas vraiment très sympathique pour la vraie fiente, le vrai crottin qui engraisse si bien nos jardins. comparer l'état d'état de bouse de purin de lisier, c'est négatif comme postulat. On est quand même les héritiers de la grande révolution que le monde entier nous envie. Mais la peau vieille pervertie, épuisée par la concussion, n'a plus vraiment grand chose à perdre. L'état, l'état, c'est l'état de merde. Vive le père Ubu! L'état, après tout, c'est virtuel. C'est comme le bon Dieu et ses saints. Ça n'a pas d'existence réelle. Ça sort de nos esprits malsains. Mais ça commande à la justice, ça fait la loi et la police, ça joue avec le nucléaire. Ça décide si on fait la guerre avec l'argent des citoyens, avouez que c'est quand même pas rien. Faut croire qu'on a l'esprit patraque pour supporter de telles arnaques. Masochiste, on aime bien marcher dans l'état de merde. Ça fait 60 ans que je respire, et plus ça va, plus ça empire. Hier, pour former ma jeunesse, j'ai eu ma petite guerre coloniale. Et puis 40 ans de promesses, raison d'état, discours moral, xénophobie et exclusion. Gouvernés par des maquignons, on se demande qui les a mis là. Pardi, c'est vous, c'est nous, c'est moi. Demain, l'Europe du capital, la flexibilité mondiale. Désespéré, je m'asphyxie dans l'état de merde. Sin pretensión tengo mal reputación, que haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos, todos me miran mal, salvo los ciegos. Es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me pudo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir a la banderao. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. Santa día doy al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a correr. Tras de mí, bien, y tras de mí. Tras de mí todos. Tras de mí, tras de mí. Tras de mi toros a correr. Ah, vete, on y va. Si en la calle corre un ladrón, ya la sagaba un ricachón. San Cadillo doyó al señor y aplastó el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. Y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, y a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a correr, salvo los cojos, es de creer. Ya sé con mucha precisión cómo acabará la función. No les falta más que el garrote pa' matarme como un coyote. A pesar de que no arme ningún lío, con que no va a Roma el camino. camino mío. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Que a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Tras de mí todos a ladrar, salvo los muros, es de pensar. La pata de Juana ha muerto, viva Dios, solo por haber puesto un huevo o dos. La pata de Juana apagó su candil, al menos se supone, de purro débil. La pata de Juana se murió al poner, y en su capa fray Luna de pluma ayer. La pata de Juana palmando sin casarnos legó con las plumas la cuna oval. Ha muerto, es cierto, mas nos acordaremos siempre de la pata de Juana y olé. Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs-becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con, on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons, qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Je vivais à l'écart de la place publique, serein contemplatif, ténébreux bucolique, refusant d'acquitter la rançon de la gloire. Sur mon brin de laurier, je dormais comme un loir. Les gens de bon conseil ont su me faire comprendre qu'à l'homme de la rue, j'avais des comptes à rendre, et que sous peine de choir, dans un oubli complet, je devais mettre au grand jour tous mes petits secrets. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché, manquant à la pudeur, la plus élémentaire. Dois-je pour les besoins de la cause publicitaire divulguer avec qui et dans quelle position je plonge dans le stupre et la fornication? Si je publie des noms, combien de Pénélope passeront illico pour le fiefé salope? Combien de bons amis me regarderont de travers? Combien je recevrai de coups de revolver? Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. À toute exhibition, ma nature est rétive, souffrant d'une modestie quasiment maladive. Je ne fais voir mes ors, gagne procréateur, à personne excepté mes femmes et mes docteurs. Dois-je pour effrayer la chronique des scandales battre le tambour avec mes parties génitales? Dois-je les arborer plus ostensiblement comme un enfant de cœur porte un Saint-Sacrement? Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Une femme du monde et qui souvent me laisse faire mes quatre voluptés dans ses quartiers de noblesse m'a sournoisement passé sur son divan de soie les parasites du plus bas étage qui soit. Sous prétexte de bruit, sous couleur de réclame, ai-je le droit de ternir l'honneur de cette dame en chantant sur les toits et sur l'air des lampions? Madame la marquise m'a foutu des morpions. Tempête de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Le ciel en soit loué, je vis en bonne entente avec le père Duval, la calotte chantante. Lui le catéchumène et moi l'énergumène. Il me laisse dire merde, je lui laisse dire amen. En accord avec lui, dois-je écrire dans la presse qu'un soir je l'ai surpris au genou de ma maîtresse, chantant la mélopée d'une voix qui susurre, tandis qu'elle lui cherchait des poux dans la tonsure? Tempête de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Avec qui ventre bleu faut-il donc que je couche pour faire parler un peu la déesse aux cent bouches? Faut-il qu'une femme célèbre, une étoile, une star vienne prendre entre mes bras la place de ma guitare pour exciter le peuple et les folliculaires? Qu'est-ce qui veut me prêter sa croupe populaire? Qu'est-ce qui veut me laisser faire in naturalibus un petit peu d'alpinisme sur son mont de Vénus? Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Sonnerait-elle plus fort ces divines trompettes si, comme tout un chacun, j'étais un peu tapette? Si je me déhanchais comme une demoiselle et prenais tout à coup des allures de gazelle? Mais je ne sache pas, ça profite assez drôle de jouer le jeu de l'amour en inversant les rôles. Ça confère à leur gloire une once de plus-value. Le crime pédérastique aujourd'hui ne paie plus. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Après ce tour d'horizon des mille et une recettes qui vous valent à coup sûr les honneurs des gazettes, j'aime mieux m'en tenir à ma première façon et me gratter le ventre en chantant des chansons. Si le public en veut, je les sors dardard. S'il n'en veut pas, je les remets dans ma guitare, refusant d'acquitter la rançon de la gloire. Sur mon brin de laurier, je m'endors comme un loir. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Je voudrais célébrer l'un des mots qui accable nos villages mourants. C'est le petit notable, il est maire ou patron, conseiller général, ou les trois à la fois, c'est en France banal. Il est petit, petit, dans tous les sens du terme. Il est vieux, avec tout ce que ce mot renferme. De rance et renfermé, gros ou maigre, il est gras. Rien par où l'attraper, il glisse entre les doigts. Je voudrais exprimer ma satisfaction. Tels sont les premiers mots en toutes occasions. Tout meurt autour de lui, les jeunes sont partis, les usines ont fermé, tout va très bien pour lui. Les pauvres petits sous de ses contribuables servent ses grands projets urgents, indispensables, des lampadaires, un golf qu'il va inaugurer. Je suis très satisfait, mes chers administrés, satisfait car il vit de grands mots et d'embrouilles. La mairie et sa mare, il en est la grenouille. Sûr de faire la pluie et le beau temps local, il s'agite beaucoup au fond de son bocal. Il parade et se gonfle au milieu de la place. Trouve un mot pour chacun, promesse ou bien menace. De chacun il connaît les failles et les secrets. Tient un jour son courrier, ses fiches et ses dossiers. Il brandit le drapeau ou bien le linge sale. Dans ses urnes truquées, toutes les voix se valent. Il manie en malin les pressions, les faveurs. Tout est bon pour tenir en main les électeurs. Votre fils entre en fac, bien, j'en fais mon affaire. Il aura une bourse. Merci, monsieur le maire. C'était automatique, votre fils y avait droit. Le maire le savait, vous ne le saviez pas. Il enterre, il marie, dispose des gendarmes. Il se sert de vos joies, il se sert de vos larmes. Le préfet, le pouvoir, le méprise et en joue. Il est l'élu du peuple et c'est tant pis pour vous. Novembre, il nous vante la guerre. Le 14 juillet, il ne peut pas se taire. Dur avec les petits, piteux devant les forts. Il n'est jamais si bien qu'au monument aux morts. Il cache ses pensées, sort son vocabulaire. Tartuffé, tartarin, il se veut populaire. Un pastis pour les hommes, aux dames un quinquennat. Il rêve de la chambre et même du Sénat. Chaque nuit en Navarre, il recompte les votes. Pour un tel le bâton, pour l'autre la carotte. Il grenouille à tout va, l'animal n'est pas neuf. La grenouille qui veut grossir comme le bœuf. Il n'est même pas sûr qu'il soit très malhonnête. Alors pourquoi toujours se monte-t-il la tête? Pour qu'on parle de lui, pour sortir du troupeau, pour être au premier rang, toujours sur la photo. J'ai connu un vieux fier de la race huguenote. Je l'ai vu hier marcher vers le bureau de vote, tout courbé, tout cassé, grondant les poings serrés. Je vais voter pour lui. Le pauvre vieux pleurait. Ils étaient usés à 15 ans. Ils finissaient en débutant. Les 12 mois s'appelaient décembre. Quelle vie ont eu nos grands-parents entre l'absinthe et les grands-messes. Ils étaient vieux avant que d'être. 15 heures par jour, le corps en laisse. Laisse au visage un teint de cendre. Oui, notre monsieur, oui, notre bon maître. Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? pourquoi ont-ils tué Jaurès? On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves, de là dire qu'ils ont vécu. Lorsque l'on part aussi vaincu, c'est dur de sortir de l'enclave. Et pourtant, l'espoir fleurissait dans les rêves qui montaient aux yeux des quelques ceux qui refusaient de ramper jusqu'à la vieillesse. Oui, notre bon maître, oui, notre monsieur, pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres qu'ils aillent ouvrir au champ d'horreur leurs 20 ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui, notre bon maître, couverts de prêtres, oui, notre monsieur. Demandez-vous, belle jeunesse, le temps de l'ombre d'un souvenir, le temps du souffle d'un soupir. Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Pourquoi ont-ils tué Jaurès? Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil aux danseuses d'antiquité. Sur la ville, il fait trop chaud, hommes et femmes sont assoupis et regardent par le carreau cette fille qui danse à midi. Ainsi certain jour paraît une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité. Le soleil l'appelle le jour et le brave homme la bonté. Sur la place vibrante d'air chaud, où pas même ne paraît un chien, ondulante comme un roseau, la fille bondit, s'en va, s'en vient. Ni guitare, ni tambourin pour accompagner sa danse, elle frappe dans ses mains pour se donner la cadence. Ainsi certain jour paraît une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité. Le soleil l'appelle le jour et le brave homme la bonté. Sur la place où tout est tranquille, une fille s'est mise à chanter et son chant plane sur la ville, hymne d'amour et de bonté. Mais sur la ville il fait trop chaud, et pour ne point entendre de chant, les hommes ferment les carreaux comme une porte entre morts et vivants. Ainsi certain jour paraît une flamme en nos cœurs, mais nous ne voulons jamais laisser luire sa lueur. Nous nous bouchons les oreilles et nous nous voilons les yeux. Nous n'aimons point les réveils de notre cœur déjà vieux. Sur la place, un chien hurle encore, car la fille s'en est allée, et comme le chien hurlant la mort, pleurent les hommes leur destinée. Il se peut que je vous déplaise en peignant la réalité, mais si j'en prends trop à mon aise, je n'ai pas à m'en excuser. Le monde ouvert à ma fenêtre, que je referme ou non l'auvent, s'il continue de m'apparaître, comment puis-je faire autrement? Je ne chante pas pour passer le temps. Le monde ouvert à ma fenêtre, comme à l'eau claire le torrent, comme au ventre l'enfant à naître et neige la fleur au printemps. Le monde ouvert à ma fenêtre, avec sa tulie, ses horreurs, avec ses armes et ses reîtres, avec son bruit et sa fureur. Je ne chante pas pour passer le temps. Mon Dieu, tout assumé, l'odeur du pain et de la rose, le poids de ta main qui se pose comme un témoin du mal d'aimer. Le cri qui gonfle la poitrine de Lorca, Mayakovsky, des poètes qu'on assassine, ou qui se tue pourquoi, pour qui? Je ne chante pas pour passer le temps. Le monde ouvert à ma fenêtre, et que je brise ou non la glace, s'il continue de m'apparaître, que voulez-vous donc que j'y fasse? Mon cœur, si tu t'arrêtes, comme un piano qu'on désaccorde, qu'il me reste une seule corde, et qu'à la fin mon chant répète. Je ne chante pas pour passer le temps. Le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrote, on vous étripe au Chili. On a beau me dire qu'en France, on peut dormir à l'abri. Les Pinochets en puissance travaillent aussi du képi. Quand un Pinochet rapplique, c'est toujours en général pour sauver la République, pour sauver l'ordre moral. On sait comment ils opèrent pour transformer les esprits, les citoyens bien pépères en citoyens verts de gris. À coup d'interrogatoire, de carottes et de bâtons, de plongeons dans la baignoire, de gégène et de tison. Il se peut qu'on vous disloque et qu'on vous passe à tabac, qu'on vous suicide en loustoc au fond d'un commissariat. Il se peut qu'on me fusille pour avoir donné du feu, pour avoir joué aux billes avec un petit hébreu. On va t'écraser, punaise, pour avoir donné du pain, pour avoir donné du pèse aux petits nord-africains. Il se pourrait qu'on m'accuse avec un petit gourdin d'avoir étudié Marcuse, d'avoir été sartrien. Ils auront des électrodes, ils diront tu veux du jus pour connaître la période où j'étais au PSU. À moins qu'ils me ratatinent pour mon immoralité, pour avoir baisé Delphine, pour avoir été pédé. À moins qu'ils ne me condamnent à mourir écartelé entre l'amour de Roxane et celui du beau Dédé. Il se peut qu'on me douillette pour que je veuille attester qu'en 1967 je lisais l'Humanité. Il se peut qu'on me tourmente et qu'on me fasse avouer que dans les années 60 j'étais à la CGT. À moins qu'il me guillotine pour avoir osé chanter les marais du Potemkin et les camps de déportés. À moins qu'avec un hachoir il me coupe les dix doigts pour m'apprendre la guitare comme ils ont fait à Rara. C'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garrote, on vous étriffe au Chili. Il ne faut plus dire qu'en France, on peut dormir à l'abri. Les Pinochets en puissance travaillent aussi du dépit. Travaille aussi du képi. Comme cul et chemise, comme la ronce en foire, j'ai vu se constituer tant d'associations. Mais il n'en reste qu'une au travers de l'histoire qui a su nous donner toute satisfaction. Le sabre et le goupillon, l'un brandissant le glaive et l'autre le ciboire, les peuples n'avaient plus à se poser de questions. Et quand ils s'en posaient, c'était déjà trop tard. On se sert aussi bien pour tondre le mouton du sabre que du goupillon. Quand un abbé de cour poussait une bergère vers des chemins tremblants d'ardentes déraisons, la belle ne savait pas, quand elle se laissait faire, qu'il condamnait l'usage de la contraception, le sabre et le goupillon. Et maintes éminences et maint beau capitaine reposaient le guerrier de la même façon dans le salon chinois où Madame Germaine, grâce à ses pensionnaires, réalisait l'union du sabre et du goupillon. C'était le temps rêvé de tous les militaires. On leur offrait des guerres et des expéditions que de manants joyeux sont partis chez Saint-Pierre, le cœur plein de mitraille et de bénédictions, du sabre et du goupillon. Quand ils s'en revenaient et d'Asie et d'Afrique, ils faisaient régner l'ordre au sein de la nation. Les uns possédaient l'art d'utiliser la trique, les autres, sans le dire, pensaient qu'elle a du bon, le sabre et le goupillon. On ne sait plus aujourd'hui à qui faire la guerre. Ça brise le moral de la génération. C'est pourquoi les crédits que la paix nous libère, il est juste qu'ils aillent comme consolation au sabre et au goupillon. L'un jouant du clairon, l'autre de l'harmonium, ils instruiront ainsi selon la tradition des craques ensemble rêveuses, des forentes et des hommes qui nous donneront encore bien des satisfactions, le sabre et le goupillon. Ils étaient vingt et cent, ils étaient les milliers. Nous aimaient en tremblant dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient vingt et cent. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans rate du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterais les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez un dessin, vous étiez des milliers. Nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent. La veuve et l'orphelin, quoi de plus émouvant? Un vieux copain d'école étant mort sans enfant, abandonnant au monde une épouse épatante, j'allais rendre visite à la désespérée. Et puis, ne sachant plus où finir ma soirée, je lui tins compagnie dans la chapelle ardente. Pour endiguer ses pleurs, pour apaiser ses maux, je me mis à blaguer, à sortir des bons mots. Tous les moyens sont bons aux médecins de l'âme. Bientôt, par la vertu de quelques facéties, la veuve se tenait les côtes. Dieu merci. Ainsi que des bossus, tous deux, nous rigolâmes. Ma pipe dépassait un peu de mon veston. Aimable, elle m'encouragea, bourré ladon. Qu'aucun impératif moral ne vous arrête. Si mon pauvre mari détestait le tabac, maintenant la fumée ne le dérange pas. Mais où diantre ai-je mis mon porte-cigarette? À minuit, d'une voix douce de séraphin, elle me demanda si je n'avais pas faim. Ça le ferait-il revenir, ajouta-t-elle, de pousser la piété jusqu'à l'inanition? Que diriez-vous d'une frugale collation? Et nous fîmes un petit souper aux chandelles. Regardez s'il est beau, dirait-on point qu'il dort. Ce n'est certes pas lui qui me donnerait tort de noyer mon chagrin dans un flot de champagne. Quand nous eûmes vidé le deuxième magnum, la veuve était émue, nom d'un petit bonhomme, et son esprit se mit à battre la campagne. Mon Dieu, ce que c'est tout de même que nous, soupira-t-elle en s'assuyant sur mes genoux, en s'asseyant sur mes genoux. Et puis, ayant collé sa lèvre sur ma lèvre, me voilà rassuré, fit-elle, j'avais peur que, sous votre moustache en tablier de sapeur, vous ne cachiez coquettement un bec de lièvre. Un tablier de sapeur, ma moustache pensait, cette comparaison méritait la fessée. Retroussant l'insolente avec nulle tendresse, conscient d'accomplir, somme toute, un devoir, mais en fermant les yeux pour ne pas trop en voir, paf ! J'abattis sur elle une main vengeresse. Aïe ! Vous m'avez fêlé le postérieur en deux ! Se plaignit-elle et je baissai le front piteux, craignant avoir frappé de façon trop brutale. Mais j'appris par la suite, et j'en fus bien content, que cet état de choses durait depuis longtemps. Menteuse ! La fêlure était congénitale. Quand je levai la main pour la deuxième fois, le cœur n'y était plus, j'avais perdu la foi. Surtout qu'elle s'était enquise, la bougresse. Avez-vous remarqué que j'avais un beau cul ? Et ma main vengeresse est retombée vaincue, et le troisième coup ne fut qu'une caresse. Sans doute, mon amour, on n'a pas eu de chance. Il y avait la guerre, et nous avions 20 ans. L'hiver de 70 fut hiver de souffrance, et pire est la misère en ce nouveau printemps. Les lilas vont fleurir, les hauteurs de Belleville, les versants de la butte et le bois de Meudon. Nous irons les cueillir en des temps plus faciles, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Nous avons entendu la voix des camarades, les Versailles infâmes approchent de Paris. Tu m'as dit, avec toi, je vais aux barricades, la place d'une femme est près de son mari. Quand le premier de nous est tombé sur les pierres, en dernière culbute, une balle en plein front, sur lui tu t'es penché, pour fermer ses paupières, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Ouvriers, paysans, unissons nos colères, malheur à qui nous vole en nous avilissant. Nous voulons le respect et de justes salaires et le seuil des écoles ouvert à nos enfants. Nos parents ne savaient ni lire ni écrire, on les traitait de brutes, ils acceptaient l'affront. L'égalité, la vraie, est à qui la désire, la commune est en lutte et demain nous vaincrons. Les valets des tyrans étaient en plus grand nombre, il a fallu nous rendre, on va nous fusiller. Mais notre cri d'espoir qui va jaillir de l'ombre, le monde va l'entendre et ne plus l'oublier. Soldats, obéissez aux ordres de vos maîtres, que l'on nous exécute en nous visant au cœur. De notre sang versé, la liberté va naître, la commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. La commune est en lutte et nous sommes vainqueurs. Cœur. décidé dans la débile, avec un être dans la mafia. Un coup de sourdine, de succombine, et t'avais ton radar. Tandis que toi tu joues à l'homme, tu me l'as fait au cousu d'or. Tu n'es qu'une pomme, car les vrais hommes, ça fait des petits efforts. Méfie la mafia radine, t'as une bonne place à l'usine. C'est pas que t'aimes la mandoline, mais la mafia, elle, elle aime ça. Pour mieux beurrer tes tardines et merdailler ta poitrine. Faut savoir jouer de la chopine, et la mafia, elle, elle aime ça. Tant pis si t'es au bas de l'affiche, t'avais qu'à être dans la mafia. Un petit pourriche et te v'la riche avec un nom comme ça. Tandis que toi tu prends des poses, t'es même pas dans le bottin. Ça dispose, mais c'est à cause de ça que t'es dans le pétrin. Méfie de la mafia, se ramène, t'es ni José ni Carmen. Quand tu chantes c'est la bohème, et la mafia elle aime pas ça. Tu vas traîner en terre en gaine, le long de la longue Seine, en crachant sur ceux qui te gênent, et la mafia, elle aime pas ça. Tant pis si tu meurs dans la dèche, vaut mieux crever dans la mafia, avec une crèche, dans une calèche, et des croque-mûches en soie. Tandis que toi tu pars en somme, tu pars comme t'es jamais venu. Un petit coup comme si t'es un homme, personne n'en a rien su. Regardez-moi le mec qui se taille, tiré par deux chevaux de bataille, suivi par un chien qui braille, à son amour, à son amour. Et la mafia qui se cavale, Carrefour loué sous la dalle. C'est pas comme pour la fringale, c'est jamais le jour, c'est jamais le jour. Si tu chantes ma chansonnette, pour faire ton métier de vedette, t'as qu'à barrer ce qui t'embête avec des X, ou bien chanter en anglais les conneries qui plaisent aux riches. Alors tu seras sur l'affiche, Apocatrix, Apocatrix. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. Y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant. Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre. À la fin février, pour vos derniers moments. Et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. » Adieu la peine et le plaisir, adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureux, et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses. Quand tout sera fini plus tard en arrivant, un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants, ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline. Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. 23 qui criaient la France en s'abattant. C'est tout qui met la voilette. leur chantait des tas de chansons, Désiré, toute la clique, les morts en veine de migration se sont levés avec des trics. Ils sont allés au cinéma voir la symphonie pathétique. On dit qu'ils n'ont pas aimé ça. Les morts n'aiment pas la musique. Ils ont voté et puis après, pom pom pom pom pom pom pom. Apporter ma vie sur mon dos, j'ai déjà mis 60 berges. Sans être un saint ni un salaud, je ne vaux pas le moindre cierge. Marie, maman, voilà ton fils qu'on crucifie sur des affiches. Un doigt de scotch et un jean, fils. Et tout le reste, je m'en fiche. Ils vont voter et puis après, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. J'ai la mémoire hémiplégique et les souvenirs éborgnés. Quand je me souviens de la trique, il ne m'en vient que la moitié. Et vous voudriez que je cherche la moitié d'un cul à beauté. En ces temps, on ne voit pas l'herche, ils n'ont même plus de cul. Les Français, ils font voter et puis après, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. C'est un pays qui me débecte, pas moyen de se faire anglais ou suisse ou con. Ou bien insectes, partout, ils sont confédérés. Faut les voir à la téléurne, ces Vespasiens de l'isoloir, et leur bulletin dans les burnes, et le mépris dans un placard. Ils vont voter, et puis après, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Dans une France socialiste, je mettrai ces fumiers debout à fumer le scrutin de liste jusqu'au mégot de mon dégoût. Et puis, assis sur une chaise, un ordinateur dans le gosier, il chanterait la Marseillaise avec des cartes perforées. Le jour de gloire est arrivé. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. De sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun. Producteur, sauvons-nous nous-mêmes, décrétons le salut commun. Pour que le voleur en dégorge, pour tirer l'esprit du cachot, soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer quand il est chaud. compris, mais la loi triche. L'impôt saigne le malheureux. Nul devoir ne s'impose aux riches. Le droit du pauvre est un mot creux. C'est assez, languirant tutelle. L'égalité veut d'autres lois. Pas de droit sans devoir, dit-elle. Et donc pas de devoir sans droit. Dans leur apothéose, les rois de la mine et du rail ont-ils jamais fait autre chose que dévaliser le travail? Dans les coffres forts de la bande, ce qu'il a créé s'est fondu. En décrétant qu'on le lui rende, le peuple ne veut que son dû. Soulet de fumée, paix entre nous, guerre aux tyrans. Appliquons la grève aux armées, crossons l'air et rompons les rangs. S'ils s'obstinent, ces cannibales, à faire de nous des héros, ils sauront bientôt que nos balles sont pour nos propres généraux. Le grand parti des travailleurs. La terre n'appartient qu'aux hommes. L'oisifiera loger ailleurs. Combien de nos chairs se repaissent. Mais si les corbeaux, les vautours, un de ces matins disparaissent, le soleil brillera toujours.